Le séminaire au niveau central pour s'imprégner des exploits immortels révolutionnaires du général Kim Jong-il, accompli dans l'œuvre de l'édification d'un État puissant socialiste, et le faire briller dans l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, a eu lieu le 8 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, et les cadres des organismes du parti, de l'administration, de la science et de l'éducation, de la littérature et des arts, de la presse écrite et parlée, de la formation des cadres du parti, du domaine des hauts faits révolutionnaires et des organisations des travailleurs du niveau central et de la ville de Pyongyang. Y étaient publiées les thèses sur les tâches et moyens pour faire briller les exploits immortels révolutionnaires du général Kim Jong-il accomplis dans l'œuvre socialiste du Chuché, appliquer les recommandations du général et opérer un progrès remarquable dans la lutte pour l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.